tout est à l'heure d'ici, vous y êtes bien, restez-y, Pierre au micro. J'ai l'honneur aujourd'hui, tandis que nous naviguons sur les ondes, de vous proposer un voyage un peu différent. C'est un voyage qui aura lieu la semaine du 27 au 29 septembre, c'est un peu plus simple, puisque c'est un week-end, c'est vendredi, samedi et dimanche. C'est en passant par la Lorraine, on y a rencontré ces Celtes, on va les rencontrer. C'est le festival Celt in Lore qu'on reçoit exceptionnellement ce soir pour une édition spéciale Talents d'ici. Je suis avec les membres de l'organisation qui sont également musiciens et vous comprendrez pourquoi. J'ai notamment avec moi Thierry, le président de l'association. Salut. Bonjour. Thierry, ça va ? Très bien, tranquille. Je suis content d'être là. Eh bien, on est content de t'avoir. Tu as ton bras droit avec toi, le vice-président Patrick. Il a même un bras gauche, mais c'est moi. Oui. Il a même un bras salut gauche. Pierre. Et nous sommes avec, on va dire, le responsable de la communication, le monsieur communicant Joël. Oui. Bonjour Pierre. Donc vous organisez un festival de musique celtique en Lorraine, le Celt in Lore. J'ai envie de vous faire déjà une petite interrogation. Est-ce que vous êtes capable de me parler du Celt in Lore très rapidement, très succinctement, en restant pertinent pour nos auditeurs? Tout à fait. Je t'en garde toi, Patrick. Alors c'est parti, donc c'est évidemment, ben oui, il faut dire les choses. Donc c'est déjà, c'est pas la première édition, n'est-ce pas Thierry? Très bien. Oui, c'est tout à fait ça, Patrick. C'est la quatrième. C'est bon. Quatrième édition. On va essayer de se renvoyer la balle pour que ça soit un peu plus dynamique. Ouais. Donc, c'est la quatrième édition du festival. On fait ça tous les deux ans. Pourquoi tous les deux ans? Pose les questions, je donne les réponses. Non, bah alors pourquoi tous les deux ans? On va dire ça très simplement, c'est parce que ça prend un temps phénoménal. J'imagine. Et que c'est un festival, il faut le dire, à but non lucratif. Donc tout l'investissement, aller chercher des subventions, etc. Ça c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la teneur du festival. Donc cette quatrième édition, elle est concentrée, comme tu l'as dit, sur un week-end, donc le 27, 28, 29. On va en parler peut-être plus en détail tout à l'heure, je crois. Hein. Alors on aura l'occasion de revenir sur chaque journée pour vous donner les temps forts à venir et vous donner envie d'y aller. Bien sûr. Alors là, maintenant, ce que je peux te dire par rapport aux éditions précédentes et pourquoi ce festival, c'est pas moi qui vais le dire. C'est qui? Mais ça va être Joël, tu vois. C'est Joël. Joël, il va nous dire tout ça. Regarde, il est impressionné. Pourquoi ce festival? Pourquoi cette quatrième édition? Qu'est-ce qui s'est passé les années d'avant, Joël? Tu peux nous le dire. Parce qu'il y a eu une première qui était un fort beau succès. Du coup, la deuxième est arrivée deux ans plus tard avec un énorme succès. Du coup, la troisième en 2017, là, c'était une folie, une folie. Et donc là, ça va être un tsunami. Ça va être un tsunami. Ouais. Alors, pour donner l'eau à la bouche aux auditeurs, on va déjà parler des gens que vous avez accueillis, des musiciens, parce qu'il y a eu quand même du gros sur les précédentes éditions. Alors, je pense que Thierry est bien placé à ce moment-là pour pouvoir nous annoncer tout ça. Le gros, c'est moi, oui. Donc, il y a eu du gros, mais dès le départ, il y a eu du gros. On est parti en 2013, la première édition 2013, 2015, oui. 2017, 2019. 2013, on est parti qu'avec des groupes de copains. Ça s'est fait à l'arrache devant le bistrot de la Place Nationale à Frouard avec le maire de Frouard. On est parti à l'issue d'une prestation du Baguette de la Mirabelle, le seul, l'unique, le grand Baguette Lorrain, et dans lequel il y avait 7 ou 8 sonneurs qui appartenaient à des groupes différents. Et l'idée est partie de là, elle a germé de là. On s'est dit, et si on faisait, on réunissait tous ces groupes-là pour faire un festival de musique celtique. Et c'est parti comme ça. On a fait une superbe édition en 2013, montée avec les moyens du bord, avec tous les copains, avec toutes les assos et tout. Et devant le succès, bah, effectivement, en 2015, on a ouvert, on a accueilli des intermittents, des groupes pro. En 2017, des groupes pro encore plus prestigieux, d'obédience. Les Soldats Louis, nationale. Les Ramoneurs de Menhir. Voilà, les Humeurs Cérébrales. Et maintenant, là, l'apothéose. Ah, mais ça, avec, on en parlera après. Puis avec des groupes. Peut-être pas dévoiler tout de suite. On ne va pas tout dévoiler. Encore plus prestigieux. Encore plus prestigieux. Justement, on va avoir l'occasion d'écouter des musiques, des extraits de groupes qui joueront. On en parlera un peu plus tard à la rue de la Soif, puisque c'est le premier rendez-vous. C'est une rue à Pompéi. Des groupes qui jouent, et je vous propose pas d'écouter un groupe rue de la Soif, je vous propose d'écouter un hymne, puisque vous avez créé un hymne spécial pour le Celt in Lore. Oui, l'idée était partie du fait qu'il y avait beaucoup de baguettes qui jouaient donc dans l'édition précédente, et on s'est dit pourquoi pas créer un hymne pour que ces baguettes s'amusent à le jouer lors du grand final. C'est ce qui s'est passé, donc voilà, on va peut-être l'écouter. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Et avec Talent d'ici, on est avec le Celt in Lore, festival de musique celtique, le vendredi 27, le samedi 28 et le dimanche 29 septembre 2019. On vient d'écouter l'hymne du Celt in Lore qui sera joué, tu disais, en off Thierry. Oui, en clôture du festival, il y a tous les sonneurs qui vont se réunir. Il va y avoir une centaine de sonneurs, au moins, qui vont interpréter quelques morceaux, dont l'hymne du festival. Et donc, si vous avez aimé cet hymne, vous aurez l'occasion de le découvrir le dimanche. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Un festival de musique celtique en Lorraine. Alors, on connaît la Lorraine, son patrimoine, la Saint-Nicolas. On connaît tout ce qu'il y a autour. Là, je suis en train d'essayer de chercher autre chose à dire. Mais bon, je vais éviter de plonger sur la Lorraine. Mais pourquoi un festival de musique celtique en Lorraine? Est-ce qu'il y a une histoire, Patrick? Ah oui, carrément. Alors, carrément. Il y a carrément une belle histoire. Raconte-nous une histoire. On va te raconter une histoire qui va être très intéressante, tu vas voir. C'est que les Celtes, c'est quoi? En fait, c'est pas les gens qui ont mis les menhirs en place en Bretagne, c'est pas ces gens-là. C'est pas eux. Non, les Celtes, c'était seulement un peuple indo-européen, donc ils venaient plutôt d'Europe centrale. On va dire que vers la Hongrie, l'Allemagne, peut-être un peu plus au sud, on va dire à l'extrême ouest de la Pologne, par exemple. Ça, c'était les Celtes. Et les Celtes, ils ont bougé. Pourquoi ils ont bougé, on ne sait pas vraiment exactement. Ça se passe à l'âge du fer, moins 500 avant Jésus-Christ. Ils ont bougé probablement parce qu'ils étaient pourchassés par les mecs qui venaient à cheval de l'Est. C'est pas genre cool. Les tribus comme type Léon, tu vois, mais un petit peu avant. Et ils les ont pourchassés, ils ont rasé les villes, les villages. Donc les gens-là, ils se sont dit, mais on va peut-être pas rester là, ça commence à puer le pâté, ça on se casse. Ils ont pris leur baluchon et ils sont partis vers l'Ouest. Vers l'Ouest, ils sont passés par où? Par la Lorraine. La conquête de l'Ouest avant l'heure. Exactement. Et ils sont arrêtés ici. Et donc, ils n'ont pas ravagé comme ceux qui avaient complètement ravagé leur pays, mais ils sont plutôt implantés avec les populations locales. Et ils sont restés. Donc, ils sont restés notamment dans l'Est de la France. Ils sont restés en Allemagne. Et seulement après, ils ont poussé vers la Bretagne, ils ont traversé la mer, ils sont allés en Angleterre, etc. Donc s'ils étaient restés chez nous, peut-être qu'on serait la Bretagne aujourd'hui. Eh bien en fait, les Celtes, ce sont des vrais Lorrains. Quoi. Des vrais Lorrains. Plus que les Bretons, parce qu'en fait, les Bretons sont des Celtes après l'heure. Donc quand on dit ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu dérangeant, mais j'en veux pour preuve, on a trouvé beaucoup de sépultures, de déesses celtes. Il y en a une notamment à Bisbruck qui est très intéressante à voir. Il y a beaucoup de camps celtes aussi dans le coin. Tu as la cité d'Afrique qui est juste à Ludres. Tu as également à côté de Raon-l'Étape, tu as le camp de la Bure aussi qui est à Raon-l'Étape. Enfin bref, tu peux avoir pas mal de sites. Par contre, effectivement, pas de tradition écrite chez les Celtes, donc très peu de choses. On sait que c'est une tradition orale. Et ce qu'on entend par culture celte, c'est parce que la langue est restée en Bretagne, au Pays de Galles, ouais. Qu'elle est restée aussi en Irlande. Et chez nous, non. D'accord. Elle s'est complètement barrée suite après à des autres invasions et à l'histoire de France qui est assez riche. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les Celtes étaient très implantés en Lorraine, en Allemagne. Et chose encore plus surprenante, c'est que ce n'était pas les mecs qui dirigeaient à cette époque-là. C'était les femmes. Ah. Exactement. Les reines celtes, elles sont très connues pour être effectivement dans l'ouest de l'Allemagne, alors que du côté est, c'était plutôt les rois qui dirigeaient. Donc, est-ce qu'ils n'étaient pas un peu précurseurs, ces gens-là? On peut se poser la question quand même. Les Celtes, un peuple nomade, plus lorrain qu'on pourrait le croire. Exactement. Ça a l'air d'être assez diversifié, justement, quand on parle de musique celtique, pour recentrer sur le cœur du sujet. On parle de quoi? Qu'est-ce que la celtitude? Alors, la musique celtique, je vais laisser la place à Joël ou à Thierry qui vont répondre aussi, mais c'est aussi une grosse partie avec la tradition des instruments. Et donc là, les instruments, je pense que Thierry, il est capable d'en parler beaucoup plus que moi, puisque les instruments, ils ont traversé les âges, et c'est eux qui sont un petit peu l'héritage de cette musique. Thierry. Alors, les nations celtes musicales, c'est vrai qu'elles sont très à l'ouest. C'est cette culture de musique celtique avec des bombardes, les cornemuses, elles sont implantées chez nous en France, au niveau de la Bretagne. Un peu plus bas en Galice, on oublie aussi quelquefois d'aller la Bretagne espagnole. Et puis elles ont traversé un petit peu la Manche et elles sont parties de outre-Manche, en Angleterre, en Écosse, en Irlande. Et puis, bien après, elles ont traversé aussi l'Atlantique pour arriver au Québec, quoi, pour arriver en Louisiane, voilà, avec tous ces instruments un petit peu bizarres, plus saugrenus les uns que les autres, avec des cornemuses écossaises, des binious en Bretagne, des gaïtas en Galice. Voilà, et puis tout ce qui est mélodéon, accordéon diatonique, etc., un peu plus tard, donc au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, en Irlande, et puis et surtout au Québec et en Louisiane. Voilà. Une musique diverse et variée, parfois empreinte également de fusion de genre, qui a été mêlée avec du rock, avec du rap, qui a été mêlée avec du blues. Nous, on a aussi un petit patchwork, vous avez un petit patchwork au Celtic Lore, puisqu'il y a la rue de la soif dont on va parler, c'est le vendredi, avec tout un tas de groupes qui font pas forcément la même chose et qui vont peut-être représenter un peu cet univers de la musique celtique. Que diriez-vous qu'on écoute l'un des représentants lorrains, un groupe plutôt connu, qui s'appelle Galadriel, qui fait du rock celtique, et on va écouter un titre qui s'intitule Transcelte et qui parle un peu de l'histoire aussi des Celtes en Lorraine. Galadriel, Transcelte dans Talendisi. Ouais, groupe lorrain qui était déjà là en 2013. Ah, et qu'on retrouve à la rue de la soif. De terre magique, ils reprennent armes, chants et musique. Y'a pas que la Bretagne celtique, y'a pas que la Bretagne celtique. Sur le dos dont l'autel transpire, les offrandes et les dons, plus l'heure de rire. Regarde, du fond des vallées, les processions ont commencé. La colline de Sion à la pierre d'appel, au camp de la Bure, les leucs surveillent. Les feux sont allumés, chasse les loups. La nuit tombée, la forêt se remplit de fous. Dans la Lorraine aussi celtique, les ancêtres sortent de terre magique. Ils reprennent âme, chant et musique. Y'a pas que la Bretagne celtique, y'a pas que la Bretagne celtique. Ce soir, elle sait qu'avec d'autres là, elle sera donnée à un homme qu'elle ne connaît pas. Et cet homme, c'est moi. C'est moi. Dans la Lorraine aussi celtique, les ancêtres sortent de terre magique. Ils reprennent armes, chants et musique. Y'a pas que la Bretagne celtique. Y'a pas que la Bretagne celtique. La Lorraine aussi est celtique. La Lorraine aussi. La Lorraine. Talent d'ici, avec Pierre Mercieux. La Lorraine aussi est celtique, merci Galadriel, un groupe qu'on retrouve à la rue de la Soif, c'est le premier temps fort de ce festival, c'est le vendredi 27 septembre. Qu'est-ce que la rue de la Soif et qu'est-ce qu'on va y trouver ? Ben, la rue de la Soif, elle existe en Bretagne déjà, c'est une copie, c'est un copier-coller de ce qui existe en Bretagne. Rue de la Soif à Rennes, c'est très connu, il y a des établissements qui sont contigus, les uns à côté des autres. Et à Pompey, historiquement, il y avait une usine avec plus de 6000 ouvriers au temps de l'âge de fer à Pompey. Et l'usine a fermé, mais en ce temps-là, il y avait beaucoup, beaucoup de bistrots. À la sortie de l'usine, les gens allaient boire un coup et il reste des vestiges de l'usine. L'usine a disparu. Mais les bistrots sont restés. Et c'était pour nous une opportunité d'animer ces bistrots-là, de mettre des groupes dans les bistrots et de proposer, comme à Rennes, une rue de la soif animée avec de la musique. Et qui plus est, celtique. Alors on rappelle évidemment que l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Cela dit, le 27 septembre à la rue de la soif, c'est surtout l'occasion de faire la fête en écoutant de la bonne musique. Comment c'est organisé ? Quel est le programme ? Est-ce que c'est un voyage ? Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Je veux tout savoir. On va y retrouver des groupes locaux, mais pas que, puisqu'on a par exemple un breton, voilà, on a différents horizons, mais toujours en musique celtique. Sur cette année 2019, on aura une dizaine d'établissements dans cette rue de la Soif, où donc il y aura un groupe dans chaque établissement, bar, restaurant, et deux ou trois lieux tenus par l'équipe de Celtinor pour animer tout au long de cette soirée, à partir de 20h, je crois, jusqu'à à peu près minuit. Il y aura une inauguration aux environs de 18h pour la rue de la Soif, hein, officiellement. Et puis, à partir de là, les festivités vont pouvoir démarrer. Alors, la rue de la Soif, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est en gros l'avenue du Général de Gaulle, c'est ça ? La rue du Général de Gaulle ? Oui, c'est ça. Ça part de l'extrémité de Froire, là, juste avant le pont de la Moselle, et ça, on va jusqu'au centre socioculturel Hartmann, en gros, voilà, tout le long de l'avenue Général de Gaulle à Pompey, avec une douzaine de groupes. Est-ce qu'on peut trouver une carte interactive, quelque chose sur votre site internet ou sur le Facebook Celtinor pour se repérer ? Ça existe avec le plan de cette rue, le nom des lieux et des groupes. Et les horaires. Évidemment. Voilà. Donc, c'est pas, il y a pas de tarif payant dans le sens où c'est pas, la rue n'est pas bouclée. Ça peut être con comme question, hein, mais la rue n'est pas bouclée avec un ticket pour rentrer. C'est vraiment chaque personne va voyager au rythme de ses envies, de ses découvertes. Envies, tout à fait. Ouais, en prenant une consommation, évidemment, voilà, on imagine. Bah, voilà, c'est ça. Ils rentrent dans un premier bar, ils ont un groupe qu'ils aiment bien, par exemple, ils vont rester un bon moment, et puis ils peuvent ressortir pour aller dans un autre bar, un restaurant. Les restaurants ouvrent aussi leurs portes à un moment donné, parce qu'ils font le plein pendant cette soirée-là. Et ils ouvrent leurs portes à un moment donné aux curieux qui viennent éventuellement consommer, mais écouter la musique. Écouter la musique. Donc on n'aura pas forcément besoin de se restaurer sur place pour pouvoir venir écouter les musiciens. Non, c'est gratuit. En plus, il y aura trois centres qui sont tenus par les gens du festival, comme l'a dit Joël. Donc il y aura le centre Hartmann où il y aura un groupe qui va jouer. Il y aura juste en face la place rebaptisée la place du Menhir, où il y aura un autre groupe aussi. Et il y aura donc l'ancienne chapelle des sacralisé. Je ne sais pas si elle a un autre nom d'ailleurs, cette ancienne chapelle. Espace du Faubourg. Donc ça sera balisé, ne vous inquiétez pas. Et donc là aussi, il y aura des groupes, ça sera entrée libre. Les gens pourront faire une petite restauration avec des food trucks. Il y aura aussi de quoi boire, de la limonade, des jus de fruits, pas mal. De l'eau, des choses comme ça. Vous pourrez y écouter la plus jeune artiste du festival qui n'a que 14 ans. Ah oui ? Jeune harpiste. Qui fait ça. Artiste. Ses premières gammes sur le festival. Donc, festival, c'est aussi un lieu où voilà, on lance des jeunes, où on côtoie, où des vieux comme nous rencontrent la jeunesse, où on mélange les talents. Il y a un groupe, excuse-moi Thierry, mais il y a un groupe, je crois, et puis il y aura après le groupe des enfants, je crois. Ouais. Avec le Damien, il va pas faire jouer ses enfants après. Il me semble. Donc voilà, c'est vraiment multigénérationnel. Et... Alors Damien, donc de Galadriel qu'on a écouté juste avant, donc tu parlais d'une jeune harpiste. Est-ce qu'il y a des groupes que nos auditeurs pourraient connaître ou pourraient avoir envie de découvrir ? Tous, il y a 12 groupes. Donnez-nous des noms, on veut des noms. Il faut tous aller les voir, comme disait Renaud, c'est l'occasion de faire les bars parallèles cette soirée-là. Mais alors, donne-nous des noms, Thierry. Alors les noms, on aura par exemple un groupe prestigieux, l'Échappée Belle. musique irlandaise, pure musique irlandaise. Là, on a le côté irlandais, c'est bien. Voilà, on aura de la musique celtique vivante actuelle avec les Ménileux, par exemple. Galadriel, Ménileux qui vont jouer aux Sixties, Galadriel qui va jouer sur la place du Menhir, Free Folk Quartet qui va faire une soirée type Saint-Patrick qui savent très bien faire au Centre Hartmann, le groupe Ariane Trio qui est très connu, voilà, outre Lorraine, en dehors de la Lorraine, mais qui voilà va venir se faire découvrir chez nous. Il y a un Breton, Dom Duff, ouais, qui va voilà qui fait 1000 kilomètres pour venir jouer chez nous. Donc sympa à lui. Au prix du gasoil et de l'essence, n'allez pas en Bretagne, revenez à Pompéi. Alors la rue de la soif, ce sera le vendredi 27 septembre. On va tabler sur du 20h à peu près minuit, un truc du genre. Oui, oui, voilà. On va être raisonnable. Il faudra rester en forme parce qu'il y a la journée du samedi qui va venir après, on fait un petit teaser, après une autre découverte, c'est un bagade. Et on en parlera encore juste après. Cette émission a été construite n'importe comment, mais on est avec le Celtic Nord, on est bien, on est dans Talent d'ici, on écoute le bagade à Arduin et le titre Paul Carduin. D'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Le bagade Arduin et le titre Paul Carduin, on est toujours avec le Celtic Nord, Thierry, Joël et Patrick. On passe tout de suite à la journée du samedi 28 septembre. Qu'est-ce qu'on va y découvrir ? C'est une soirée grand concert d'ailleurs, le bagade Arduin qu'on vient d'entendre, ils font des petits intermèdes lors de cette soirée, hein. c'est pas un secret, il faut dire les choses, mais disons qu'on a essayé d'étayer cette soirée pour que le concert, qui sera le seul concert payant de tout le festival, mais alors attention, quand je dis payant, oui, hein, on reste super raisonnable, hein, parce que les places elles sont à 15 euros, tu vas avoir 4 groupes plus le bagade Arduin, ça va durer un petit bout de temps, franchement c'est donné, donc ça va être un concert, on va dire un concert... On pourrait même dire un concert familial, où il y aura un peu de tout, il y aura un peu de musique, on va dire calme, et puis un peu de musique un peu plus péchue, qui restera toujours au niveau de la musique celte, évidemment. Et plus. Pourquoi je dis et plus ? Parce qu'on a la chance aussi de faire revenir nos amis les humeurs cérébrales qui sont venus à la dernière édition. Alors pourquoi on les a fait revenir ? Pourquoi vous les avez fait revenir ? À cause du succès qu'ils ont eu. Ils ont eu un tel succès, ils n'étaient pas connus du tout dans la région il y a 2 ans. Ils arrivent, ils jouent en première partie des Soldats Louis. Et là, franchement, le public a adhéré. Mais j'en veux pour preuve, les CD qu'ils ont vendus, c'était très, très impressionnant. Donc on s'est dit, vu que c'est des super gars, en plus, ils sont vraiment gentils comme tout, on s'est dit, on va les faire revenir. C'est de la musique, effectivement, qui serait un petit peu à la marge du Celtic. Mais ils font de la musique, on va dire, un peu plus folklorique. Mais du folk, festif, rock. Alors j'ai eu l'occasion d'aller sur leur Facebook. Ils appellent leur musique du trad'n'roll. Ouais, on peut dire ça comme ça. En tout cas, ils sont très, très, très énergiques. C'est une musique sympa, c'est pour ça qu'on a décidé de les faire venir. Mais il n'y a pas que dans cette soirée. Thierry, je t'en prie, vas-y, lâche-toi, fais-nous le programme. Le premier groupe de la soirée, c'est les copains de la Cage aux Folles qui étaient aussi juste après. Déjà là, oui, en 2013, qui font de la compo, qui travaillent avec des instruments mélodiques typiquement celtiques, avec cornemuse, violon, bombarde. Et donc c'est de la musique celtique, actuelle, vivante. Voilà, donc pour rassurer certains des élus qu'on a rencontrés, on a des artistes qui créent, des créateurs et des compositeurs et des, au niveau du festival. Et de surcroît Lorrain, donc que demander de plus. Ensuite, on a un groupe très péchu, les Masques à Gaz, donc un groupe qu'on a repéré sur Internet et qu'on est allé voir à plusieurs reprises. Et on a même eu l'occasion avec Joël de partager une soirée avec eux. Donc c'est vraiment de la musique très, très énergique, qui déménage avec un percussionniste qui fait de la podorhythmie de façon très spectaculaire. Donc alors, podorhythmie, ça veut dire qu'il fait des trucs avec ses pieds. Voilà, et ses jambes. Ses pieds, les cuillères, et il chante. Voilà, il a des cuisses, il pourrait participer au Tour de France. Je veux dire, il peut à faire pâlir les maillots jaunes du Tour de France. Alors, les Masques à Gaz qui, d'ailleurs, sont sur leur tournée des 20 ans. C'est ça, oui. Voilà, donc c'est vraiment des pointures, des Bretons qui viennent de Brest. 20 ans, oui, de Lorient, je crois. Ah, de Lorient, peut-être. Peut-être, oui. Là, j'ai un doute. Ils fêtent leurs 20 ans et je crois qu'ils viennent de faire un album. Donc du coup, ils ont une belle tournée en ce moment. Tout bien. Ça arrive à point. Ensuite, avant les humeurs cérébrales. Ensuite, avant les humeurs cérébrales encore, on aura le groupe Celtic Cella. Donc qui est un peu plus traditionnel, un peu plus soft, mais qui fait de la musique dans l'irlandais, consonance irlandaise, voilà. Avec deux jeunes filles qui viendront faire de la claquette. Voilà. Ah, un petit côté visuel aussi, sympa. Les danseuses. Et le dernier groupe, donc les point d'orgue de la soirée, les humeurs cérébrales. Oui. Et tout ça, 4 groupes pour 15 euros. 15 euros donc En pré-vente sur www.celtinor.fr, vous avez la billetterie qui est là et qui vous attend. Eh bien, allez-y, peut-être pas tout de suite, faites comme vous voulez, on ne vous force pas, mais on vous conseille quand même d'y aller pour voir les Masques à Gaz, Celtic Cellar, les humeurs cérébrales, la Cage aux Folles et également le Bagad Ardune dont on parlait qui sera à l'extérieur, j'imagine. Oui, c'est ça, ils seront à l'extérieur, sur un plateau extérieur, en attendant que les portes du gymnase ouvrent, et il y aura de la petite restauration toute la soirée sur place, donc les gens peuvent manger une petite crêpe, une glace, etc., et puis après, des changements de plateau, et à chaque changement de plateau, du coup, on invitera les gens, s'ils veulent sortir, se désaltérer, écouter le Bagad Ardune, sympathiser avec des gens qui n'ont pas revu depuis 2 ans, etc., etc. Et ça se situe où du coup ? Ça se situe sur le stade intercommunal de Froire, 4 rue de la Salle à Froire. Voilà. 4 rue de la Salle à Froire. Tout est sur le site, hein, tout est sur le site. Très bien, on partagera le site sur les réseaux. Et on démarrera les hostilités de cette soirée concert avec la Cage aux Folles qui sont bien de chez nous. Et on va d'ailleurs les écouter, puisqu'on va écouter un titre qui s'intitule « Ma belle Camille de la Cage aux Folles ». Je suis Antoine de Manche, salarié à plein temps. Je gagne pas mal ma vie, j'ai pas à me plaindre vraiment. Y'a une bonne ambiance au bureau, mon patron est pas trop chiant. La routine, bref, rien de franchement excitant. J'ai une maison avec un jardin assez grand. Quand je rentre le soir après le boulot, Camille m'attend. On est fiers de voir tous les deux qu'on a su rester heureux. t'imagine. Oh ma Camille, ma belle Camille, vraiment je te demande pardon, mais je l'ai pas vu arriver ce foutu camion. Talent d'ici avec Pierre Mercieux. La Cage au Folk est le titre Ma Belle Camille à découvrir comme premier groupe pour la soirée concert du Celtinor le samedi 28 septembre. Place en pré-vente 15 euros sur le site celtinor.fr. Et maintenant, on va passer au jour du Seigneur, au jour du repos, au jour où parfois on n'a rien envie de faire. Mais là, vous allez faire quelque chose puisque ce sera le dimanche 29 septembre, toujours avec le Celtinor. Qu'est-ce qu'il y a de prévu, mes amis ? Il y a prévu une chose énorme, le défilé. Le défilé. Le défilé, mais évidemment. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, quand on parle de musique celte, on pense aussi aux bagades. Donc ça, c'est typiquement touristique breton. Hein, quand donc tu un bagade, je te coupe tout de suite, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une espèce d'orchestre d'harmonie, mais celtique. Oui, c'est ça. C'est ouais. ça hein, avec des cornemuses, avec des bombardes, avec des percussions, qui peuvent d'accord. être souvent des caisses claires, mais grosses caisses, caisses claires, caisses piccolo. Mais aussi maintenant, ça a été adapté un petit peu au 21e siècle, donc des fois, tu as des djembés. Dans les bagades, mais pourquoi pas, je dirais pourquoi pas. Hein, on pourra mettre un peu ce qu'on a envie. Des cuivres également, ouais. Donc ouais. Le bagade, c'est, au départ, c'est une fanfare bretonne, avec ouais, cornemuse, bombarde et percussion. Avec quelquefois des cuivres, tu disais. Des cuivres, oui. Voilà. Donc maintenant, ça évolue. C'est... Donc un défilé. Donc avec... un défilé avec des bagades. Et ces bagades, en fait, ils viennent pas spécialement de Bretagne, sauf, ouais. on va vous le dire, ah, on va vous le dévoiler, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir en parler. Pas tout de suite. Mais bon, effectivement, donc les bagades sont relativement connues en Bretagne. Hein. Chaque ville a son bagade. C'est un petit peu comme au Pays de Galles, chaque ville a son équipe de rugby. Bah, là, c'est en Bretagne, c'est plutôt ça. Et nous, on en a un à Nancy. On en a un à Nancy, hein, mais un exceptionnel, puisque quand même, on peut dire, il s'appelle le bagade de la Mirabelle. Ah, c'est pas rien. On boucle les trucs. C'est pas rien, c'est même bagade de la Mirabelle quand même. Hein. Et donc ce bagade existe depuis combien de temps? On va dire au moins 5 ans. 2010. Oh, on en est carrément à 9, comme le temps passe vite, dis donc Thierry. Donc depuis 2010, ce bagade existe. Ils font pas mal de prestations en Lorraine. Et c'est des copains, hein, puisque en fait c'est Thierry qui joue dedans, mais pas que non plus. Mais Thierry est dedans dans ce bagade. Il est sonneur, ce qu'on appelle. Donc un sonneur, c'est quelqu'un qui joue de la cornemuse ou de la bombarde. D'accord. Et donc il y aura évidemment le bagade de la Mirabelle, mais il y aura aussi les copains qu'on a entendus. Du bagade Ardouin. Ardouin, c'est les Ardennes, donc ils viennent d'un petit peu plus loin. Il y aura aussi des bagades. Grand Est, oui. Belfort. Belfort, il y aura aussi Paris, il y aura aussi. Vas-y, continuez, aidez-moi, les gars. Donc, les Rebelles de Moselle. Les Rebelles Piper de Moselle. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Family Pie Band. Family, ils sont plus réduits. Ils sont plus réduits parce qu'ils doivent être combien? Non, pas ceux-là. Nord du département. Ils ouais. sont combien, eux ouais. Ils sont 5, 6. 5 parce que c'est Family Pie Band. Voilà. Donc, c'est familial. C'est très familial. Et donc, tous ces bagades, on peut les découvrir sur la programmation, sur le site. Tous ces bagades, ils seront à des endroits localisés La matinée, bien sûr, on appelle ça les obades. C'est-à-dire que, vu qu'on travaille beaucoup avec la communauté de communes du bassin de Pompey, la communauté de communes nous demande aussi est-ce que les bagades viennent faire une petite prestation dans leur ville. Donc, on fait ça le dimanche matin. Donc, après, il faudra regarder un petit peu le programme sur le site. Et puis, une fois arrivé l'après-midi, on fait ce qu'on appelle le grand défilé. Le grand défilé donc, de ces bagades, avec en tête d'affiche, écoutez bien, attention, est-ce que tout le monde est assis? Je vais vous en parler. Non, on le dit ou pas? On peut couper tout de suite. On va couper, allez, on va s'en aller maintenant. Nous, on a envie de savoir. Avant de le dire, avant marrant de dire. Il n'y a pas que des bagadous. Non, il y a aussi. Il y a aussi des cercles celtiques. Il y a aussi le cercle défilé. Celtique. Vas-y, je t'en prie. Il y a les cercles celtiques de Lorraine. Mm. Voilà. Herrera Nannermini, par exemple. Il y a le cercle. Il y a les Bretons d'Alsace qui seront là aussi. Il y a les Rollmops, Chants de Marins. Qui seront sur un char, il y aura un char de la ville de Froid, enfin voilà, il y a 18 formations, il y a une batoukada, il y a des enfants, les enfants avec un char d'enfants. Et... Voilà, donc il y aura vraiment plein de choses tout au long de cette journée et du défilé. Et la journée, elle commence même avant le défilé, dès le matin, par le marché celtique. Oui, alors il y a un énorme marché celtique sur le stade même intercommunal qu'on a pu citer tout à l'heure. À partir de 10h du matin, il y a une quarantaine de stands avec artisans, tout le monde sera installé, de la petite restauration et ça va durer jusqu'à 18h. Et à ce moment-là, le matin, il y aura les obades dans les différentes communes. Puis à partir de 14h, 14h30, mais tout ça vous le retrouvez sur le site www.celtinor.fr ou sur le Facebook du même site. Donc le défilé qui va durer à peu près 2 km. Et là, je te redonne la parole, Thierry, pour expliquer un petit peu. Voilà, avec arrivée au stade, mais donc le matin, il y aura une obade à Froid, mais il y en aura aussi une à Pompey. À Pompey. Avec le clou des Bayadou, quand même. C'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Voilà, le clou. Il s'appelle le clou du Bayadou. Ça, c'est le clou des Bayadou. Le number one des number one. Si on dit un bagad. Un bagad super connu. Déjà, les auditeurs, là, ils réfléchissent. Qu'est-ce que je connais comme bagad? Alors après, ils disent, ouais, bagad, de la Mirabelle. Et après, ils disent, après, moi, si je leur dis Alain Souchon. Alain Souchon, ça leur dit, mais qu'est-ce qu'il a rapport avec les bagades? Ben si, parce qu'il a fait un morceau. Il y a de la rumba dans l'air. Il a fait ça, mais il en a fait un autre aussi, qui s'appelle avec bagade de Lambiwe. Ce sont eux qui viendront nous voir. C'est énorme. Mais oui, c'est énorme, c'est le bagade le plus connu de France. Ben rien, on entend déjà au loin. On entend le bagade. Donc Souchon, merci arrive, Antoine à la technique. Ouais, c'est Antoine qui nous mène un petit peu de bagade de Lambiwe. Donc Lambiwe, c'est quoi? Ce sont des marins, ce sont des soldats qui sont spécialisés effectivement dans la musique. Pour ce bagad, ils ont choisi de faire leur service militaire. C'est cool quand même d'être soldat, mais faire de la musique. Hein. C'est plus sympa que faire soldat dans un sous-marin ou soldat avec un fusil. Ouais, voilà, on aime bien. Et donc, ils viendront effectivement dans notre festival. Il y a même le titre d'Alain Souchon derrière en tout bas. Eh oui, on l'entend, c'est ça. Dans le bagad de Lambiwe, et ils jouent effectivement, je crois qu'ils ont joué avec lui plusieurs fois. Ils ont joué avec lui. Et ils sont très souvent aussi donc, au Festival de Lorient, ce bagad de Lambiwe. Donc ça sera eux le clou du spectacle. Ils seront là pour le défilé, ils seront là aussi après sur le stade intercommunal dans l'après-midi. Ils referont des représentations, ils seront là aussi pour le grand final. Franchement, là. Et tout ça, c'est gratuit, hein, je rappelle. C'est carrément, on en est au stade, c'est gratuit. Ils seront même là incognito le samedi. Donc si vous regardez bien, vous pourrez peut-être les reconnaître. On pourra peut-être reconnaître des membres du bagad un peu partout le samedi. Et on finira quand même avec un groupe aussi qui sera là à un moment. Alors dans l'après-midi, effectivement, alors il y aura plusieurs choses. Il n'y aura pas qu'un groupe, il y aura aussi des scènes ouvertes. On lâche un petit peu de mou sur le marché, au milieu du marché, il y aura des scènes ouvertes. Il y aura aussi un groupe qui jouera lorsque les gens se restaurent relativement calmes. Oui, il y aura un repas à midi proposé par le festival, servi par un traiteur, un repas celtique, strictement celtique, voilà, avec un groupe qui animera, le groupe Pot-au-feu, qui animera le repas avec de la musique purement celtique aussi. Exactement. Voilà, on reste dans le ton. Et il y aura ce qu'on appelle un fest day, c'est quoi? C'est en fait un bal folklorique tendance breton qui se déroulera dans le gymnase, donc toujours le gymnase intercommunal, qui sera animé par nos copains les Sanguins. Les Sanguins, qu'on va justement découvrir ou redécouvrir avec le titre La Semelle. Groupe mythique qui fête leurs 55 ans d'existence cette année. Et ben bon anniversaire à eux, groupe Mieux Sanguin. Mieux que Scorpion. La Semelle. Voilà une heure que le coq chante et que je tape sur la semelle. Voilà une heure que le coq chante et que je tape sur la semelle. Cordonnier de père en fils, on travaille d'arrache-pied. Pour qu'ici tout un chacun trouve chaussure à son pied. Cordonnier de père en fils, on travaille d'arrache-pied. Pour qu'ici tout un chacun trouve chaussure à son pied. Voilà deux heures que le coq chante et que je tape sur la semelle. Voilà deux heures que le coq chante et que je tape sur la semelle. Cordonnier de père en fils, on on ne traîne pas les pieds, pour qu'ici tout un chacun puisse s'en aller du bon pied. Cordonnier de père en fils, on ne traîne pas les pieds, pour qu'ici tout un chacun puisse s'en aller du bon pied. Voilà 3 heures que le coq chante et que je tape sur la semelle. Voilà 3 heures que le coq chante et que je tape sur la semelle. Chacun ne se mélange pas les pieds. Voilà 4 heures que le coq chante et que je tape sur la semelle. Voilà 4 heures que le coq chante et que je tape sur la semelle. Cordonnier de père en fils, on travaille pied au plancher, pour qu'ici tout un chacun ne puisse pas lâcher pied. Cordonnier de père en fils, on travaille pied au plancher, pour qu'ici tout un chacun ne puisse pas lâcher pied. Voilà 5 heures que le coq chante et que je tape sur la semelle. Voilà 5 heures que le coq chante et que je tape sur la semelle. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Le groupe sanguin La Semelle à découvrir le dimanche, après un programme qui sera quand même assez chargé, que je vais vous demander de résumer. Tu veux quoi ? Tout le programme de toute la semaine ? Depuis le début, enfin en version condensée quoi. Bon, on fait aussi d'autres choses dans le festival, évidemment, des choses qui sont peut-être un petit peu moins visibles mais qui nous tiennent à cœur. On fait aussi spectacle pour enfants, donc ça, on invite les écoles du bassin à venir donc, à un festival qui sera, pareil pour eux, évidemment tout à fait gratuit. On va aussi voir nos anciens parce qu'on les aime bien, donc on va aussi faire quelques prestations dans les maisons de retraite, en l'occurrence 3. Alors là, Thierry va m'aider, mais je sais qu'il y a Bouxières, Fougue. Bouxières, Faux et Pompée. Faux et Pompée, voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, Thierry ? Vas-y, si on a encore quelque chose là dans la boîte à clous. Non, je vais reprendre juste un peu dans le samedi 27. Mmh. Dans l'après-midi, il y a des ateliers. Atelier bombarde, atelier cornemuse, claquette, danse irlandaise. J'oublie quelque chose. C'est des stages, ouais. Des stages. Voilà. C'est ouvert à tout le monde sur inscription payant. Sur inscription, voilà, c'est ça. Payant. Petite participation. Environ 7-10 euros suivant le stage, en fait. Oui, hein. Voilà. Voilà. D'accord. Et donc, on commence par le vendredi. Alors, le vendredi, on récapépète. Donc, le vendredi, c'est la rue de la Soif. Donc, sur la ville de Pompée. Donc, la rue sera. Tous les établissements seront ouverts. Une grosse partie des établissements seront ouverts avec, dans chaque établissement, une formation musicale locale. Ou pas, mais plutôt local. Tout ça, c'est gratuit. 3 points aussi tenus par le Celtine L'Or. Donc, tout ça gratuit. On peut venir, on peut boire, on peut manger. Il n'y a aucun souci. Ça, c'est le vendredi soir. Le samedi, c'est la soirée concert. Donc, 4 concerts plus nos amis du Bagad Hardwin. Tout ça pour une modique somme de 15 euros. Donc, il faut s'inscrire. En pré-vente. En pré-vente. Donc, sur notre site, vous y allez. On ne va pas le redire à chaque fois, mais on le redit à chaque fois. CeltineLor.fr. Les places partent vite et bon, la salle ne peut pas contenir 20 000 personnes. Ouais. C'est vrai que tu as raison de le dire, Thierry. Il faudra quand même pas tarder à attendre la dernière semaine, sinon ça va être compliqué. Là. Voilà. Et le dimanche, donc, il y aura les obates dans les communes. Plus le marché celtique, plus le grand défilé, plus tout, plus la joie et le beau temps, parce qu'on y croit. Et le final des sonneurs, avec tous les sonneurs de tous les bagadous, de tous les groupes qui ont joué au festival, et même des gens qui n'ont pas joué au festival, qui vont se greffer pour venir se mettre au milieu du stade intercommunal et jouer 4 morceaux. Et là, on nous entend de Pont-à-Mousson à Lunéville. On a 100 sonneaux, ça, tout le monde est baba devant ce grand moment musical de partage. En passant par la Lorraine, j'ai rencontré ces Celtes. C'est votre credo, c'est votre petite phrase. Le Celtine L'Or, festival de musique celtique en Lorraine biennale. C'est la 4e édition, 27-29 septembre. Vous êtes aussi des musiciens. On est dans Talent d'ici. Vous savez ce que ça veut dire ? On a cru comprendre qu'il fallait qu'on prenne nos instruments. Voilà, on a cru comprendre quelque chose comme ça. Vous avez pris vos instruments et vous allez nous interpréter trois morceaux qui sont représentatifs, chacun à leur manière, de la musique celtique. Dans Talent d'ici, je vous laisse vous installer. Merci. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. talents d'ici avec les radios associatives de Lorraine. I met my love by the girls with school. Dream a dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Do the old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are brooding on the bed. Spring's a girl in the street at night. Dirty old town, dirty old town. So a train smell a light on a fire. I smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm going to be a good chef. Shine and steel, tempered in a fire. Well, I'll chop you down like an old tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gas wood swore. Dream a dream by the old canal. I kissed a girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Ouais, Thierry, vas-y, hey. Dirty old town, dirty old town. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Vous venez d'écouter un groupe éphémère constitué pour l'occasion pour Talent d'ici par les organisateurs du Celt in Lore qu'on a reçu. Alors vous avez joué Amazing Grace. Exactement, c'est un truc qui a passé carrément l'Atlantique puisque c'est très utilisé aux États-Unis dans toutes les fêtes irlandaises, on va dire, parce qu'ils sont assez friands, notamment sur la côte Est. Donc, tu as aussi énormément de gens qui jouent de la cornemuse et ils le jouent même dans les enterrements. Bon, c'est moins gay, mais ils le jouent quand même dans les enterrements. On n'était pas un enterrement là. Non, on était plutôt dans quelque chose une naissance, la naissance du festival. En tout cas, on n'était pas dans une ville pourrie qui était le titre de la deuxième chanson, Dirty Old Town, une vieille ville pourrie, qui est un truc assez classique aussi finalement. Exactement. Alors ça, c'est par contre c'est un morceau qui a été joué par les Pogues et il y a une grosse à l'époque et ça a fait une grosse polémique parce que quelle était cette ville qui puait et qui était toute dégueulasse. Et ce qu'ils ont trouvé ? Oui, eux ils ont trouvé, mais la ville n'était pas d'accord. Moi, c'est une ville d'Irlande. J'ai oublié le nom. C'était pas Dublin. Hein. Tout le monde croit que c'est Dublin, mais c'est pas vrai. Dublin est magnifique. Il faut y aller. Et puis on a terminé avec un petit morceau très sympathique à la flûte, Rights of Man, les droits de l'homme. Et oui, c'est voilà, un petit clin d'œil avec toute l'actualité. En ce moment, au niveau mondial, voilà, droits de l'homme, on en a bien besoin. Alors, on en a besoin, on a aussi besoin de faire la fête, on a besoin de musique. Vous avez eu un aperçu de ce que peut vous offrir la musique celtique, alors venez au Celt in Lore, on rappelle les dates. Le 27, le 28 et le 29 septembre de cette année. Venez tous, on vous attend. Trois gros temps forts, la rue de la soif, le concert avec les humeurs cérébrales. Place en pré-vente, 15€ sur le site celtinlore.fr. Je vous remercie d'avoir été là avec nous dans Talent d'ici. Thierry, Patrick et Joël. Merci Pierre, merci Antoine et merci les radios. Merci les radios, à bientôt dans Talent d'ici. Merci à vous. Merci à vous tous.